Kim Yong-nam, Park Bong-joo et autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, les cadres des organismes du parti et des forces armées, ont rendu le 3 courant une visite de félicitations à la résidence des délégués du 7e congrès du Parti du Travail de Corée.